Cours numéro 21. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى ذكر الحث على مجانبة الحرص للعاقل. في هذا الباب الإمام Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, il a mis en garde contre al-hirs. Amma al-hirs, c'est al-raghbatu al-shadida fi shay. Al-hirs, c'est vraiment vouloir une chose, faire des efforts pour acquérir une chose. Had al-hirs, il peut être mahmoud et il peut être madhmoum. Amma la shakana Ibn Hibban, rahmatullah alayhi, ce qu'il vise huna, c'est al-hirs. المذموم. فمن الحرص المحمود مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك. أي fais des efforts dans ce qui est profitable pour toi ici-bas et dans l'au-delà. فالواجب على العاقل الحرص على العلم وعلى العمل به وعلى طاعة الله عز وجل وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فدان tous ces points on doit faire des efforts, mettre en application notre din. كذلك الحرص على ما ينفعنا في الدنيا. الحرص faire des efforts dans ce qu'on a besoin في الدنيا. Pour se loger, pour manger, pour se vêtir, pour remplir nos responsabilités إلى آخره. لكن المراد هنا من هذا الباب c'est الحرص المذموم. أي الحرص على الدنيا. فبعض الناس ونسأل الله السلامة والثبات leur objectif c'est que الدنيا. Les efforts qu'ils fournissent nuit et jour c'est que الدنيا. Leur envie elle est basée que sur الدنيا. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas créé pour qu'on fasse des efforts que pour الدنيا. Notre objectif, c'est que dunya, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour un objectif azim. Et cet objectif, on doit tous essayer de le remplir. On doit tous faire des efforts. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Qawluhu, rahimahullah, dhikru al-hathi ala mujanabati al-hirs lil-aqil. Donc, al-hath, un encouragement pour qu'on délaisse cet al-hirs. Ne penser qu'à dunya, ne travailler que pour dunya. Se lever, dormir, en ayant pour objectif que dunya. فهذا لا شك أنه يضر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام رحمه الله قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان الحرص والحسد. قوله يهرم أي يكبر ويضعف. الهرم c'est la vieillesse. فابن آدم l'être humain il vieillit ويشب منه اثنان. Et deux choses en lui, ils resteront jeunes. Ces deux choses, c'est quoi? C'est al-hirs ou al-hasad. Al-hirs, c'est ce qu'on vient d'expliquer dans hadal bab. Et al-hasad, ça y a-t-il ma'ana, incha'Allah ta'ala, wa taqaddam ma'ana kathiran, il a cité un chapitre sur la jalousie, enfin, on n'a pas besoin de détailler huna. Hadal hadith, qala fil hashiya rawahu al-Bukhari wa muslim min tariq qatada bih. Et en revenant à Al-Bukhari ou Al-Muslim, on n'a pas trouvé هذه الرواية, أي لفظ الحسد. أما في صحيح البخاري, le hadith qu'il a rapporté, قول النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر. Et d'autres روايات. Donc في صحيح البخاري, on a 7 رواية. Et هنا une فائدة عظيمة يا إخوان, أن celui qui veut comprendre un hadith, minat turuq, Al-Mufida, c'est de rassembler les différentes narrations. Vous verrez qu'en général, tu trouveras des explications dans telle narration pour une autre narration. Mathalan, on a cette riwaya qu'il a rapportée, Ibn Hibban, rahimahullah, قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرموا et le lafd qu'il a cité l'imam al-Bukhari yakburu et là chaque année le haram c'est al-kibar fis sin. Donc tu as remarqué que la narration de l'imam al-Bukhari elle te facilitera à comprendre la riwaya de l'imam Ibn Hibban. Donc al-Bukhari rahimahullah il a cité هذا اللفظ et les deux choses qui sont citées حب المال وطول العمر. يكبر ابن آدم أي l'être humain il grandit ويكبر معه اثنان et deux choses كذلك elles grandissent avec lui et il a toujours cette envie. Dans la riwaya d'Ibn Hibban يشب أي malgré sa vieillesse ces deux choses elles restent jeunes et il a toujours de la motivation et de l'espoir الحرص والحسد. On revient à la riwaya de Bukhari حب المال وطول العمر, l'amour de l'argent. Et هذا c'est le hirs qui est cité dans l'autre riwaya. Le hirs est l'amour de l'argent. هذه الدنيا, ce bas monde. وطول العمر, plus il grandit et plus il espère vivre longtemps. في صحيح مسلم, on a une autre riwaya. قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم, exactement comme la riwaya de l'imam al-Bukhari ou de l'imam Aqsud ibn Hibban. قال والتشب منه اثنان, le hirs على المال والحرص على العمر. Donc c'est la même riwaya que Ibn Hibban, لكن vous avez remarqué que هنا il n'est pas cité الحسد. Dans une autre riwaya في صحيح البخاري, لكن c'est un autre hadith. أما tous les riwayas qu'on vient de lire, toutes les narrations qu'on vient de lire, c'est من hadith Anas. أما il y a un autre hadith avec le même sens, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين في حب الدنيا وطول الأمل. Cette riwaya كذلك elle explique les autres riwayas. لا يزال قلب الكبير شابا, l'être humain est vieilli, son corps il faiblit, les rides elles apparaissent, les cheveux blancs ils apparaissent avec les années, لكن son cœur il reste jeune et avec la motivation d'un jeune, les envies d'un jeune dans deux choses. حب الدنيا, l'amour de ce bas monde, وطول الأمل, et l'espoir de vivre longtemps. هذه الروايات, c'était pour compléter ce hadith avec d'autres hadiths. On le répète, ما قوله الحسد في الصحيحين فما وجدناها. Enfin, celui qui trouve cette riwaya il nous donne cette faïda. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, dans son explication de Sahih al-Bukhari, il a expliqué هذا الحديث أي لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين في حب الدنيا في حب الدنيا وطول الأمل. أي le dernier hadith qu'on a lu, le même sens que la riwaya d'Ibn Hibban. قال Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله الله أكبر صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما كبر الإنسان ازداد حبا في الدنيا وازداد أمله. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق. Il a dit vrai. أن l'être humain, plus il grandit, plus il vieillit, plus il aime cette dunya et plus il a de l'espoir de vivre encore longtemps. Et هذا الحرص, il est très très grave. Il peut être très très dangereux pour eux. L'être humain. لماذا؟ لأن celui qui a cet amour de ce bas monde ancré dans son cœur. كذلك الذي عنده طول أمل. Il a un espoir de vivre longtemps. ولا شك que ça lui fera du mal. قال شيخ العثيمين رحمه الله. فتجد العمر غاليا جدا عند الكبير وتجده عند الصغير رخيصا. الصغير يبذل نفسه ولا يهتم ولكن الكبير يشح في العمر. نعم, le vieux il va faire très attention au reste de sa vie. لماذا؟ لأنه il sait qu'il est proche. Il sait qu'il est proche de la mort. Plus l'insan est grandi, plus il est proche. Et là, chacun N'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Lakin, kabir al-sin, son échéance, elle est encore plus proche, en général. قال كلما طال عمره ازداد قوة في الأمل والحديث الأول يقول حب في الدنيا والثاني يقول حب المال. نعم, on a plusieurs riwayas, vous avez remarqué, حب الدنيا, et dans d'autres حب المال. Et لا شك أنه أن الدنيا سأنglobe المال. قال والأول أشمل, أي حب الدنيا, لأنه يشمل حب الدنيا في القصور والفخر والمال والجاه والرئاسة والنساء وغير ذلك. والثاني حب المال أخص في الأول أعم. نعم, قوله حب الدنيا سأنglobe l'argent et autres, comme les femmes, comme le confort, comme beaucoup de choses que l'être humain il aime, et en général il est attiré par ces choses. قال وهذا هو الواقع. Et نعم, هذا c'est واقع, هذا c'est ce qu'on vit à notre époque. كثير من الناس, ils ont هذا الحرص الشديد على الدنيا. Tu les trouves, ils font beaucoup d'efforts. Ben, ils multiplient les efforts et les sacrifices pour dunya. Prends l'exemple de se lever tôt. Ah ben, c'est un exemple واضح. C'est un exemple clair. Pour se lever tôt, il faut هذا الحرص. Il faut cette motivation. Il faut faire des efforts. Il faut une préparation. Se coucher tôt, mettre son réveil, etc. Tu trouves pour dunya. Alors, quand ils trouvent un travail, خاصةً si c'est un travail qu'ils aiment avec un bon salaire, ou là aussi faut se réveiller à 3h, 4h, 5h du matin, ça pose aucun problème. Et en général, ils manquent jamais de travail. Sauf cas exceptionnel. Les bains d'Ali Anahoum, ils ont had al-hirs. Et pourquoi? Parce qu'ils espèrent un salaire. Et s'ils vont au travail, ils ont ce salaire. Prends un fiddin. Fiddin. Wa'adahoum, ils ont un dhaf kabir fi salat al-fajr. Pourquoi? Les anna salat al-fajr, كذلك, il faut se lever tôt. كذلك, il faut هذا الحرص, il faut une motivation. لكن salat al-fajr, tu n'auras pas un salaire à la fin du mois, à la fin de la semaine. Là, celui qui va à salat al-fajr, il espère la récompense yawm al-qiyam. Celui qui ne va pas à salat al-fajr, il va vivre un an, deux ans, dix ans, trente ans, cinquante ans, et il ne va pas se rendre compte de la gravité jusqu'au jour où il meurt. Elle est là la différence. Hirsun pour l'akhira, qui est basé sur l'iman, qui est basé sur la foi, et qui est basé sur cet espoir d'être récompensé après la mort. Et hirsun, la motivation pour dunya, qui est basée sur l'amour de ce bas monde, l'amour de l'argent, le confort, etc. Et l'insan, il sait qu'en allant au travail, il aura un salaire normalement. Al-hadar, al-hadar. Al-hadar, l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité hadar al-bab al-muhim, huna, pour nous mettre en garde contre ces deux choses. On répète, حب الدنيا, et Ibn Hibban, il a cité beaucoup de points qu'on va lire ensemble, بإذن الله عز وجل, et طول الأمل. طول الأمل, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'insan, il voit loin, il pense qu'il va encore vivre longtemps, il a des projets pour l'avenir, وهو ما يدري, est-ce qu'il va rester en vie, أم لا, on doit faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de projets, on ne doit pas se projeter dans certaines choses. Là, lakin, sans dépasser les limites, sans que ça impacte sur notre dîn. Avoir des projets, faire des efforts pour dunya, faire des efforts pour dunya, penser qu'à ce bas monde, se projeter très très loin, ne pas se préparer pour le-delà, هذا c'est من الشيطان. Ça c'est من الشيطان. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق. تامل سورابل سورابل من الله سبحانه وتعالى في سوره لقمان اتقوا ربكم واخشوا يوما خني الله خني كذلك ce jour لا يجزي والد, aucun parent ne sera utile pour son enfant, aucun enfant ne sera utile pour ses parents. ان وعد الله حق, la promesse d'Allah elle est vraie. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ثم الله سبحانه وتعالى. Après nous avoir montré l'objectif et la chose pour laquelle on doit œuvrer, notre hirs, nos efforts, notre motivation, elle doit aller dans quoi? ثم الله سبحانه وتعالى, il nous a montré ce qui peut nous détourner de cet objectif, ce bas monde. فلهذا قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا, ne vous laissez pas tromper par ce bas monde. ولا يغرنكم بالله الغرور, كذلك faites attention à Shaitan. Shaitan, vous avez remarqué, il nous fait croire qu'on a le temps. T'as pas fait le hajj cette année, tu avais l'argent, tu avais la capacité. C'est pas grave, tu le feras. Tu le feras dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu seras à la retraite. Kam min an-nas, ils ont eu hada tour l'amal. Ils pensaient qu'ils allaient vivre longtemps. Ils n'ont jamais fait le hajj. Ils sont morts avant. Alors qu'ils avaient les moyens, ils avaient la capacité, ils avaient l'argent. Comment ils ont repoussé à cause de shaitan. Et à cause d'une faiblesse de foi, حتى ils n'ont pas pu accomplir al-hajj. وهكذا beaucoup de ibadat, comme les gens يقولون انهم ils feront la salat plus tard. Ils veulent profiter un peu, etc. Thumma ils meurent. Comme les gens ils pensent qu'ils vont délaisser ce haram. Ils font des choses haram et ils disent je délaisserai. Quand je me marie, je fais plus ces choses. Thumma هكذا الشيطان il lui fait croire certaines choses, l'ange de la mort il vient, il ne prévient pas. فلهذا قال المناوي رحمه الله تعالى في فيد القدير طول الأمل غرور وخداع طول الأمل croire que tu vas vivre longtemps, que tu as le temps de repousser plus tard, c'est min al ghurur. Et l'insan il se trompe lui-même et il se fait tromper par shaitan. Wa khida', khida' c'est un mensonge, c'est une trahison. قال إذ لا ساعة من ساعات العمر إلا ويمكن فيها انقضاء الأجل. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran al-Karim. Wa hakadha an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi as-Sunnah, matalan qawluhu alayhi salatu wassalam, akthiru min hadhim al-ladhat. Akthiru, ay rappelez-vous souvent de hadhim al-ladhat. Hadhim al-ladhat, al-ladhat c'est les plaisirs. Hadhim c'est quelque chose qui détruit les plaisirs, ay la mort. Et rappelez-vous souvent de la mort. C'est très très bénéfique. Les mains dans les anas, tu dois être prêt. Et on a cité un exemple, Fidounia. On peut en citer des dizaines. Insane, Fidounia, certaines choses, tu dois te préparer. Tu veux passer le permis de conduire, tu dois te préparer. Tu as un entretien de travail, tu dois te préparer. Tu dis pas là, plus tard, on verra là. Tu te prépares et tu espères réussir cet examen, cette chose que tu vas passer. Il y a un examen azim qui attend chaque être humain et ça commencera fil qabr. Man rabbuk, ma dinuk, ma nabiyuk. Thumma hakada, après la tombe, quand l'insan sera ressuscité, des questions, des épreuves, est-ce qu'il va réussir amla? Tout ça c'est basé sur ce passage que Allah t'a donné sur terre. Fahdhar. Fahdhar de ne pas repousser, de ne pas croire que tu as le temps. Ça c'est min azam harb iblis. Ça c'est une des plus grandes ruses de Shaitan contre l'être humain. Lui faire croire qu'il a le temps. Hatta huwa, ce qu'il veut, c'est que tu repousses, et l'ange de la mort, il prend ta mort et tu n'as rien fait. قال المناوي فلا معنى لطول الأمل المورث فسوق القلب وتسليط الشيطان وربما جر إلى الطغيان. C'est que du mal. Ça va te pousser quoi? Durcir ton cœur. لماذا لأن si tu fais pas des bonnes actions et tu te cartes pas du haram, fait comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, à chaque fois un point noir, نقطة سوداء dans le cœur. Hatta ce cœur il devient noir. Noir, il accepte plus le ma'rouf, il rejette plus le munkar. كذلك تسليط الشيطان. Shaitan il prend le dessus sur toi. Et ce cœur ça devient un refuge pour Iblis. Et Iblis quand il va pénétrer ce cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire espérer. Tu as le temps, tu as fait ce haram. Continue encore un peu, tout le monde le fait. Tu as le temps, tu vas faire tawbah dans une semaine, quand tu te maries, quand tu vieilliras. Hagada, repousser les obligations. Profite de ta jeunesse. Tu feras salat plus tard. Allah, il est rafour, il est rahim. Et l'insan, il s'enlise hagada dans le dhunub. Il s'enlise hagada dans les shahawat. Thumma les shubuhat, il s'empare de son cœur. Hatta yahlak wa nas'alullah as-salam. Hagada. هذا باب عظيم un point très très important que l'imam Ibn Hibban رحمه الله il a cité. ثم قال أبو حاتم رحمه الله ركب الله عز وجل ركب الله عز وجل وعلى في البشر الحرص والرغبة في الدنيا الفانية لئلا تخرب إذ هي دار الأبرار ومكسب الأتقياء وموضع زاد المؤمنين واستجلاب الميراتي بمد الميم الميراتي للصالحين ولو تعرى الناس عن الحرص فيها بطلت وخربت فلم يجد المرء ما يستعين به على أداء فرائض الله فضلا عن اكتساب ما يجدي عليه النفع في الآخرة نفلا. هذا سي مهم سو بوان. On l'a cité assez rapidement. Et Ibn Hibban, il a commencé par cela. Ne crois pas que quand dans les versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre ce bas monde, contre les tentations de ce bas monde, ou hakada dans la sunna du prophète, alayhi salatu salam, ou hakada les paroles de savants, ne crois pas que ça veut dire que tu dois délaisser complètement dunya. Ça, c'est une compréhension complètement fausse. Comme ils comprennent, as-souviyya, ad-dullal. Alors, il faut complètement délaisser ce bas monde. Bardanes Kadali qui comprennent mal, ils disent que si on applique ce sunna, il faut tout délaisser et ça met un frein entre eux et l'istiqam. C'est pas comme ça, Abdan. Tu as besoin de ce bas monde. Tu as besoin de travailler, tu as besoin de te marier, tu as besoin de manger, tu as besoin de t'habiller. Si tu as besoin d'un certain confort tant que c'est dans le halal, alhamdulillah. Lakin ihdhar min al-ifrat. فلهذا قال والإفراط في الحرص مذموم l'excès l'exagération في الحرص c'est مذموم أما un travail مثلا واحد il se lève tôt الحمد لله il fait صلاة الفجر à l'heure ثم il va au travail halal il travaille avec ses mains son objectif c'est de ne pas demander aux autres de ne pas tendre la main كذلك c'est de remplir ses responsabilités nourrir sa femme, ses enfants, payer son loyer. Hada, il est fi ibadatin azim. Kadhalik, son travail, il s'écarte du haram. Il choisit un travail où il y a al-halal, walillahi al-hamd. Son honneur, elle est préservée. Kadhalik, il est préservé des fitnes. Mathala, la mixité ou autre. Fahada, il est fi khir azim. Hada, c'est un mujahid fi sabilillah, s'il a cette niya, c'est un jihad azim à notre époque de travailler dans le halal. Alors, il n'y a aucun problème, ne pas comprendre avec un fahm autre que la compréhension de ahlul ilm. Lakin, pour éclaircir, wahadi, il a un travail. Alhamdulillah, Allah il lui arzak un travail, il s'en sort très très bien, il a de l'argent, il a de quoi vivre, de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Thomas, un deuxième. Thomas, il faut qu'il travaille le week-end. Thomas, tellement qu'il travaille, il ne se lève plus pour la salat. Pas d'ilm. Plus de salat jama'a. Kadhalik, il se laisse aller dans le travail. Il serre la main à cette femme, la mixité. Ahyan, il travaille dans du haram clair. C'est une fitna. C'est de l'excès. Il est attiré par le dunya. Il fait des concessions dans son din. Et ce bas monde, il est en train de lui faire beaucoup de mal. Fata'amalu, le premier cas qu'on a cité, il utilise ad-dunya, ce bas monde, pour préparer l'au-delà. C'est ça, ma'ana kalam. Ibn Hibban, rahmatullah alayh. Il utilise ce bas monde pour préparer l'au-delà. Amma, si ce bas monde, ça devient une cause pour t'écarter dans l'au-delà, fa'alam anna c'est ça le fitna. Donc, pas d'excès. On délaisse pas totalement dunya comme ils font les égarés, ou certains égarés. Et kadhalik, on ne pense pas que dunya, on délaisse l'au-delà comme ils font d'autres. قال والإفراط في الحرص مذموم. هكذا قال رحمة الله عليه. ثم, on passe directement à la page suivante. قال أبو حاتم رحمه الله أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا. كلام جميل. Le plus riche parmi les êtres humains, أغنى الأغنياء, c'est qui ? قال من لم يكن للحرص أسيرا. الأسير, c'est un prisonnier, c'est un captif. Enfin, celui qui est captif de ses passions, prisonnier de cette dunya, فهذا من أفقر الفقراء. والله, même s'il gagne des millions, même s'il a une belle voiture, même s'il a une maison, même si tu le vois en apparence, il a de l'argent, il fait partie des personnes les plus pauvres. C'est un esclave, c'est un prisonnier de ses passions. Mais celui qui travaille pour l'au-delà, il ne suit pas ses passions, il ne pense pas qu'à dunya, il ne pense pas qu'à l'argent. Ou tu lui donnes peu, ou il a un peu, il aura de la qana'a, ça lui suffira. Il sera reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Mais l'autre cas, ou alors où il a des millions, vu qu'il pense qu'à ce bas monde. Et il ne peut pas acquérir tout le bas monde, c'est un être humain. Enfin, son hirs, ça va être que pour acquérir encore plus. Enfin, il vivra et il pensera comme un pauvre. قال رحمه الله وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا. الحرص ça devient son amir. Il est guidé. L'amir, t'as-t-il dans le dars précédent dans la risala de Cheikh Abdussalam rahmatullah alayhi sur les gouverneurs, on avait expliqué le mot imam, c'est un guide. Et on a expliqué on peut l'appeler كذلك amir. لماذا لأن c'est un guide pour les autres, un chef pour les autres. فهذا الحرص ça devient son amir. Et il est guidé par l'hirs. Toute sa vie, elle est basée que sur les projets. Que sur l'argent. Que sur les... Hakada trouver des bons plans. Il a akhiré. Hatta ça devient un serviteur de hada l'hirs. بعض الناس تعلمون أنهم لا صلاة ولا ذكر ولا حج ولا عمره ولا شيء. On parle des obligations, des piliers de l'islam. L'imam, il y en a toute leur vie, elle est basée sur le travail. Qu'elle a ce travail, ils vont l'emporter avec eux. Alors que c'est une fitna azim. Là, ce travail, ça doit être une chose que tu utilises pour vivre. Tu utilises pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sans tendre la main aux autres, pour pouvoir, walillahi alhamd, avancer jusqu'à ce que tu meurs. Ce n'est pas une fin en soi. Cette dunya, c'est qu'une étape. قال لأن الحرص سبب لإضاعة الموجود عن مواضعه والحرص محرمة كما أن الجبن مقتلة. L'insan, il s'écarte de ces deux défauts. Comme الجبن. الجبن, c'est le contraire du courage. بعض الناس, ils ont هذا المرض. يخافون من أي شيء. Ça, c'est الجبن. On n'a pas le droit à هذا. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجبن. فهكذا الحرص. Et en général, les cœurs qui sont attaqués par ces maladies, c'est des cœurs qui sont faibles. Fima adafi at-tawhid. Amma celui qui apprend sa aqid, celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui facilite. Et هذه العقيدة عقيدة السلف, هذا الإيمان العظيم, il pénètre dans son cœur, il aura quelque chose de عظيم pour repousser al-khawf. Et ne pas faire partie de l'jubana. Et كذلك pour repousser هذا الحرص المذموم. Et ne pas faire partie de ceux qui adorent الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس. Il réussira pas, il sera perdant. تأملوا, il les appelait عبد الدينار ou عبد الدرهم. Et les adorateurs du dirham et les adorateurs du dinar. Et de dunya, ils ne pensent qu'à ça. Enfin, pour s'écarter de ces maladies, tu as quelque chose de azim. C'est l'imam bil qadar. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Fais des efforts. Personne ne peut te faire du mal que si Allah il l'a décidé. Personne ne peut te retirer ce que Allah il t'a donné, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il te le retire ou il le décide. هذا الإيمان, ça va te renforcer, أخي الكريم. كذلك الإيمان باليوم الآخر. Croire, la croyance au jour dernier. Il y en a celui qui croit au jour dernier. Iman, jazim, qawi, dans son cœur. Enfin, quand il... Ça arrive, on a tous des faiblesses. Quand il voit qu'il commence à se laisser aller, dunya, travail, projet, l'akhir, plus de temps pour écouter un dars, plus de temps pour faire le hajj ou l'umrah, plus de temps pour faire salat al-jama'a, plus de temps pour... Pardon, hatta plus le temps de visiter les parents, plus le temps... On a, il faut se poser des questions. Si tu réfléchis à l'yom al-akhir, tu vas freiner. Tu vas dire là, c'est pas comme cela. Là, je travaille pour subvenir à mes besoins et ça s'arrête là. Et le reste, il y a des choses très très importantes que le musulman il doit faire. Fahdharu. Ihdharu, ça passe très très vite. Kam min an-nas. Ils pensent qu'ils avancent et qu'ils ont réussi. Wallahi adha'u umurahum. Ils ont gaspillé leur jeunesse. Bardoum, ils ont gaspillé leur vie que fi hadhihi ad-dunya. Et ils pensent qu'ils ont réussi. Bardoum, le but ultime, c'est quoi? C'est d'avoir une voiture, une maison, et marier, avoir des enfants. Un musulman, c'est pas ça son objectif. Ça, c'est des choses tayyib, bien sûr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à se marier, faire des enfants. Celui qui peut avoir une voiture, une maison, alhamdoulilah. Lakin, c'est pas l'objectif ultime. Abadan, ça, c'est des choses, alhamdoulilah, tout le monde fait. Al-mu'min, walillahi alhamd, il travaille, il a des enfants, il a une voiture, une maison. Al-kafir, kadhalik, kamin, kuffar, ils ont des maisons, des voitures, belles plus que les muslimines. C'est pas une fin en soi. Là, ça c'est à la tariq, sur le chemin, t'arrives à voir, alhamdulillah, t'arrives pas seul. Kamin ahl al-ilm, ils se sont pas mariés, ils ont pas eu d'enfants. Kamin min sahaba radiyallahu anhum, ils avaient pas de monture. Bardoum, ils avaient pas de maison. Ahl al-sufa, ils étaient vieux. Al-majid al-nabawi, ni mari, ni... ni famille Aqsoud, ni maison, ni monture, ils vivaient fil majid. C'était min khiratin nas. Ça ne veut pas dire qu'on appelle à la pauvreté ou pas faire d'efforts. Abadan, là, on dit que celui qui peut avoir des choses de dunya dans al-halal, tayyib, lakin ne pense pas qu'à ça, akhi al-karim. C'est qu'une étape. Yawm al-qiyam, wa man mata, qamat qiyamato. Quand on dit yawm al-qiyam, ya ikhwan, il ne faut pas pensez forcément au jour dernier, Allahu alam, quand ça arrivera. Là, il faut penser que, et il ne faut pas oublier que Yawm al-Qiyamah, c'est quand tu meurs. Pour toi et pour moi. Celui qui meurt, Qamat Qiyamato. Pour toi, ça commence, la tombe. Et tu passes une autre étape, Al-Barzakh, le monde dans la tombe. Est-ce que tu vas emmener ces choses avec toi? Wallahi, tu ne vas rien emmener. Comme a fait Hadith Anas, radiyallahu anhu. Yatba'u al-mayyit thalath. يرجع اثنان ويبقى معه واحد. Quand l'être humain meurt, trois choses le suivent. Deux choses reviennent, une chose elle reste. Sa famille, ses biens, ils le suivent, lakin ils reviennent. Il n'emmènera pas avec lui maison, voiture, argent, abadan. Sa famille, كذلك, il l'enterre et ça s'arrête là. ويبقى معه عمله. Ce qui restera, c'est ses œuvres. Ça fait des efforts, akhi al-karim, pour que ses œuvres pieuse, elle t'accompagne fi qabrik. Wa ja'a fi al-hadith anna ses œuvres pieuses, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera l'apparence d'une personne avec un beau visage, une personne agréable à voir. Quand ce mort il dira à cette personne ma'ahu fi al-qabr, man ant, qui es-tu, il lui dira ana 'amaluk. Anzuru, celui qui a comme objectif at-tayyib, an-nafi', des choses profitables. Dans sa tombe, il profitera. Amma, cette maison, cette voiture, cet argent, tu les laisseras, tu meurs le lendemain, tout est partagé. Tout est partagé, comme si ça ne t'a jamais appartenu. Et non, on répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'économie, pas avoir des choses. Là, qui ne le met pas comme objectif principal. Ne vis pas que pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour quelque chose de azim. Qala ibn Hibban, rahimahullah. ولو لم يكن في الحرص خصلة تذم إلا طول المناقشة بالحساب في القيام على ما جمع لكان الواجب على العاقل ترك الإفراط في الحرص. كذلك cette chose, on doit pas oublier جمع المال, penser que c'est simple. Tu rendras des comptes, أخي الكريم, sur chaque pièce, sur chaque billet, sur chaque bien. كما جاء في الحديث أن الإنسان يسأل عن أربع ومن هذه الأشياء عن ماله, عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Donc l'insan, il sera interrogé, cet argent, من أين اكتسبه, comment il a fait pour l'acquérir, est-ce que c'est في حلال ام في حرام. Donc même si on fait certains efforts في الدنيا, ça doit être في الحلال. Et كذلك فيما أنفقه, donc quoi tu dépenses. بعض الناس انظروا الخدلة, Toute l'année, il travaille. Mina sabah ila al-layl. Thumma, durant l'année, il arrive à mettre un peu de côté, des économies. L'été, il arrive, tout ça s'est gaspillé en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en vacances. Ça serait des vacances fi al-halal, fi ta'atillah. Il va à l'umra, il va al-hajj, il va étudier l'ilm, il va visiter ikhwan, sa famille. Alhamdulillah, c'est viré. Tu les trouves, tout ça c'est gaspillé, fille. Et bilal le coffre. Ah bah donc, toute l'année, travaille pour passer 2 semaines, 3 semaines chez A'da'illah, en Espagne, au Madrid. Thumma, le mois de septembre, il revient. C'est reparti. 1 an. Aïna al-Hajj. Pourquoi tu fais pas le Hajj? Pourquoi tu fais pas la Umrah? C'est obligatoire. Pourquoi tu donnes pas, tu consacres pas un temps pour apprendre un peu ton din? Pourquoi tu donnes pas le haq à ta famille? Ah bah donc, des années, 2, 3, 4, 5, 10 ans, ils vont en vacances à droite, à gauche, leurs grands-parents, ils sont encore vivants, ils les ont jamais vus. Allez, c'est une moussiba, ça c'est une fitna. Ça c'est une fitna, la tartarou. La tartarou, anna haoula, ils ont réussi, annahum, ça c'est une fitna. Et éduquer nos enfants à la hada, c'est une autre fitna. Wallahi, nos parents, avec les manquements qu'ils ont eus, avec la faiblesse, l'ignorance, pour certains, ils avaient des points très très positifs. Et qu'ils ont été utiles pour notre génération. C'est, nos parents, ils connaissaient pas hada. Toute l'année travailler, thumma, il va gaspiller son argent chez un tel et un tel. Abadan. Abadan, il m'a construit une maison et, alhamdulillah, toute la famille, elle en profite. Il m'a allé rendre visite à leurs parents, à la famille. Hatta, ils t'ont donné ces principes tayyib. Tu trouves, nous, cette génération, gtarru kathiran. Et l'ASF, tu trouves, wa'adhum, ils connaissent le sunnah, ils sont à la sunnah, mais ils ont des faiblesses ajib fi hada. Tu le trouves insomnie et il doit aller en vacances chez A'da'ullah. Ça, c'est une moussiba, ya ikhwan. Les salafs, ils n'étaient pas comme ça. Les salafs, aslan, ils ne connaissaient pas vacances. Ils travaillaient, ils faisaient des efforts fil l'ibada ou l'ilm toute l'année. On a déjà cité la célèbre phrase de l'imam Ahmed, rahimahullah. Ils lui ont dit, mets ta raha. C'est quand que tu vas te reposer. Il n'a pas dit comme nous, cette génération, en juillet, en août. Toute l'année, il travaille, il pense qu'en juillet, en août. Qu'Anahou, il va rester vivant. Pour l'amal. C'est ça que l'ulama, ils nous mettent en garde en se basant sur des textes du Coran et la Sunna. Même quand là, tu vas vivre à Wulun jusqu'à juillet, août. Thumma, cette période avec tout le fasad qui est propagé. Ihdhar akhi al-karim. L'imam Ahmed, quand ils lui ont demandé, il a dit quand je mettrai le pied fil Jannah. Si je mets le pied fil Jannah. C'était ça son espoir. Il a travaillé pour ça. Et il a fait beaucoup d'efforts. Hirsun fil ilm. Hirsun fil ibad. Hirsun fil tatbiq sunnah. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. On a gaspillé notre vie. Agada vivre. C'est un système de l'arbre. Wallahi, les musulmans, ils ne connaissaient pas ça avant. Tout ce système, je travaille toute la semaine, il faut que le week-end, absolument, je sors, je vais dans tel endroit. Surtout, c'est un système qui est basé beaucoup sur le haram. Tu vas aller dans un endroit, akhil karim, wallahi la taslam. Encore pire, fi bilad kufr, fi bilad al muslim, et c'est dur, là. Trouver un endroit calme, il a arrêté. Là, tu ne pas s'habituer à ce système. Et là, tu vas tomber, fi al-futur, ou fi al-dha'f, la fainéantise, et éduquer les enfants, hakada. C'est très très compliqué. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Amma, si tu as du temps libre et un peu d'argent, utilise ces choses fima yanfa'uk. Celui qui peut faire l'umra ou le hajj, c'est une ni'ma azima. Même si on vit à une époque, c'est compliqué avec cette pandémie. Lakin alhamdulillah, ça passera. Kadhalik, celui qui peut en profiter pour visiter ikhwan, comme on a vu un bab auparavant. Kadhalik, celui qui peut, wallahi, wallahu, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, inda, alim min al-ulama. Ou celui qui peut pas, inda, talib min talabat al-ilm al-akhya. C'est estafid kathiran. Mais hada, tu vas changer d'air, alhamdulillah. Tu vas profiter, tu vas voir des nouveaux paysages. Ma dafadun, ceux qui partent en Espagne ou Madrid, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont sous le même ciel que toi, le même soleil que toi. C'est rien que le shaitan, il fait tout pour qu'on perde notre temps et pour qu'on fasse du haram. Kadhalik, celui qui veut changer d'air, prendre du bon temps, fil halal, il n'y a pas de problème. Fil bilad muslim, dans un endroit mestour, si c'est avec sa famille, sans haram, sans fitna, c'est une ni'ma. Lakin, on fait attention à ce système, l'an, que beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, ils sont dedans. Qala rahimahullah. Qala walau lam yakun fil hirs khislatun tuzam. إلا طول المناقشة بالحساب في القيامة على ما جمع لكان الواجب على العاقل ترك الإفراط في الحرص. نعم. لأن plus الإنسان إلى plus il rendra des comptes. فلهذا الاقتصاد في هذا الباب. Et faire des efforts dans ما هو أنفع. On peut ajouter un hadith que l'imam al-Bukhari رحمه الله il a rapporté عن ابن عمر رضي الله عنه. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث تقدم معنا كثيرا dans l'explication des 40 نووي et dans d'autres livres. هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى منطخي منزلة هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب. Contrairement à ceux qui ont tant l'amal, qui pensent qu'ils vont rester longtemps. Il y en a celui qui va rester longtemps, c'est comme s'il était résident. Et t'as le monde, le résident, il lui faut un certain confort, il lui faut ses repères. Pour moi, il a du mal à se déplacer. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, كن في الدنيا كأنك غريب. Le contraire. Dans cette dunya, fait tout pour être comme al-gharib, ou abir al-sabil. L'abir al-sabil, c'est celui qui est de passage, le voyageur. Celui qui est voyageur, il sait qu'il ne va pas rester longtemps. C'est pour ça qu'il ne va pas faire certaines choses comme le résident. Il sait qu'il ouais, va patienter niveau nourriture, niveau confort, niveau logement. Il va patienter cette semaine, ce mois. Son mois, il va rentrer chez lui. فَهَاكَذَا أَنْتَ أَخِي الْكَرِيمِ Essaye d'être avec هَذِهِ الدُّنْيَا. Dans une riwaya de l'imam Tirmidhi, et Cheikh Al-Albani l'a sahah, قَالَ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ وعد نفسك من أهل القبور. كذلك في هذه الدنيا n'oublie pas. Fais comme si tu étais من أهل القبور. Et on fera tous partie un jour de هؤلاء أهل القبور. أهل المغ. ابن رجب رحمه الله dans جامع العلوم والحكم قال وهذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل وأنه لا ينبغي للمؤمن قال وأنه لا ينبغي للمؤمن il n'est pas واضح هذه الدنيا وطن ان يتخذ نعم ان يتخذ هذه الدنيا وطنا ومسكنا العاقل المؤمن le mu'min sensé qui pense à l'akhirah il doit pas prendre ce bas monde comme un watan comme un maskan comme une demeure qui va rester لا بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم c'est comme si c'était un étranger قال وانما يكون حاله فيها كانه على جناح سفر Ben c'est comme un voyageur. Qu'est-ce qu'il fait le voyageur? On a tous voyagé. Qu'est-ce qu'on fait quand on voyage? Avant de voyager, on se prépare. Et quand on est arrivé à cette destination dans notre voyage, tout le monde se prépare pour retourner où? Chez nous. Notre demeure de résidence. Celui qui est comme un voyageur, enfin, automatiquement, il doit se préparer pour l'autre demeure. Ce bas monde, c'est... Tu es comme un voyageur, et la demeure que tu prépares, c'est l'au-delà. هذا معنى كلام ابن رجب رحمة الله عليه. ثم قال ابن حبان رحمه الله تعالى وقد كان بعض أصحابنا كثيرا ما ينشد فجانب الحرص ودع عنك الحسد ففيهما الذل وإتعاب الجسد. صحيح. صحيح الحرص الذل ça sera une cause d'humiliation celui qui pense qu'à ce bas monde là où il fera des concessions là où il fera certaines choses et il sera obligé imma de tendre la main imma de faire des concessions sur son din imma de se faire rejeter imma là où il y a cette dunya mal'ouna Allah subhanahu wa ta'ala il a maudit ce bas monde il alim wa muta'allim wa dhikr ila akhri kama ja'a fi al-hadith. ثم قال أبو حاتم رحمه الله الحرص غير زائد في الرزق وأهون ما يعاقب الحرص بحرصه هذه سنفائدة طيبة الحرص غير زائد في الرزق سعوبيا الإيمان بالقدر ne crois pas أخي الكريم que plus tu plonges dans cette dunya plus tu auras لا c'est pas comme ça قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون ton risque il est في السماء الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. Et l'ange quand il descend et al-janin il est encore dans le ventre de sa main, enfin un ange il descend et il écrit plusieurs choses. Parmi ces choses, risque, son risque. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas les causes. Abadan. Là qu'il ne croit pas qu'en multipliant les causes, en te concentrant 100% fit dunya, tu auras plus. Là, bel c'est une fitna. Celui qui se consacre qu'à dunya, il peut perdre des choses essentielles. Est beaucoup plus importante comme son din ou une partie de son din. قال أن يمنع الاستمتاع بما عنده من محصوله ويتعب في طلب ما لا يدري أي الحقه أم يحول الموت بينه وبينه. صحيح. Tellement que certains la يقنعون بما أتاهم الله. Et ils veulent toujours plus. كما قال ابن حبان أنهم ils profitent même pas des choses qu'ils ont, alors qu'ils essayent déjà, ils ont déjà l'objectif d'avoir d'autres choses. On répète, أن يمنع الاستمتاع بما عنده من محصوله. Tu le vois هذا dans les vêtements. وبعضهم ابتلوا عيادا بالله. Ils pensent qu'aux vêtements. Encore plus, بعض النساء, certaines femmes, encore plus. أنهن, elles achètent. ثم ربما elles travaillent dur pour cela. Elles achètent. والله, certaines, elles ont des tenues, des vêtements, elles n'ont même pas le temps de les mettre. Elle achète une autre mode de sortie, elle rachète et elle ne met pas l'ancien. Khalas, c'est dépassé. Fitna, c'est une fitna azim. Alors que le mu'min salih, qui essaye d'appliquer qawl le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka annaka gharib, l'essentiel c'est qu'il soit mastour. Alhamdulillah. Bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah jamil, yuhibbul jamal. L'insan, il a le droit de se faire plaisir avec des beaux vêtements, lakin sans tomber dans l'excès. J'ai de quoi m'habiller, des beaux vêtements propres, alhamdulillah, et je passe à autre chose. Elle m'a pensé qu'à ça, travailler que pour ça. Pardon, il voyage pour cela. C'est une fitna. C'est plus des vêtements de Inde pour se vêtir. Abadan, c'est une fitna. قال ويتعب في الطلب ما لا يدري أي الحقه أم يحول الموت بينه وبينه. صحيح. Pardon, ils ont des projets très très loin. Ça demande énormément d'efforts. Allahu a'lam si un jour il va réussir et tu le trouves, il s'investit à 100% en négligeant son dîn. Ça, c'est Minadvaya. Celui qui s'investit dans des projets, ce projet, l'écart de son dîn, plus de salat à l'heure, plus de dhikr, plus de lecture du Coran, plus de science, et ce projet le pousse à faire du haram, c'est une fitna. C'est une fitna azim, c'est le shaitan qui l'égare. Qala, walaw lazim al-hirs, taraka al-ifrat fi, walaw lazim al-hirs, taraka al-ifrat fi, wattakal ala al-khaliq, wattakal ala khaliq al-sama, la... نعم لا أتحفه نعم أي الله ونعيد قال واتكل على خالق السماء لا أتحفه المولى جل وعلا بإدراك ما لا يسعى فيه والظفر بما لو سعى فيه وهو حريص عسي يتعذر عليه وجوده صحيح celui qui place ses efforts في الدين il place sa confiance en Allah سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala sayarzuqo. Wallahi, il aura pas moins que les autres. Bel Obama, il aura plus. Et même si on qadr qu'il a moins de choses dans certains points que d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera al-qana'a. On a déjà cité le hadith souvent. Qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kanat ad-dunya hamma. Celui dont l'objectif c'est que dunya, il pense qu'à ça. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal جعل الله سبحانه وتعالى فقره بين عينيه. Allah met la pauvreté entre ses deux yeux. Pourtant, il l'a. Il travaille, il fait des efforts, il a toujours peur de la pauvreté. حتى il atteint un niveau où il vit comme un pauvre. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a cité l'autre cas. من كانت الآخرة أهم. Celui dont l'objectif c'est l'آخرة. Il travaille comme les autres. Il fait des efforts comme les autres. لكن il tombe pas dans l'excès. Son objectif c'est l'آخرة. قال عز وجل جعل الله غنى في قلبه. Allah met la richesse dans son cœur. Même s'il a peu, c'est من أغنى الناس. Il fait partie des gens les plus riches. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتته الدنيا وهي راغمة. بل celui qui se consacre au din, qui se consacre au ilm, son objectif c'est l'akhirah. Allah سبحانه وتعالى c'est lui le créateur. Allah il fait ce qu'il veut. Ce bas monde il viendra à cette personne. C'est pour ça que al-ulama yuhadhirun min fitnati ad-dunya. Bal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la al-faqr akhsha alaykum inma akhsha alaykum ad-dunya. Hakada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai pas peur pour vous la pauvreté. Bal j'ai peur que les portes de la dunya elles s'ouvrent comme elles se sont ouvertes à ceux qui étaient avant nous. Fatahlikakum kama ahlakatum. C'est ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait peur pour nous. ثم قال رحمه الله وأنشدني علي بن محمد البسامي ألا رب باغ حاجة لا ينالها وآخر قد تقضى له وهو آيس يحاولها هذا وتقضى لغيره وتأتي الذي تقضى له وهو جالس. بيت جميل. بعض الناس يفون دي زيفور pour avoir certaines choses et n'arrivent pas à l'avoir. Avec des concessions dans leur dîn, avec du haram, avec de la perte de temps, de la fatigue. Tu trouves un autre, yatawakkal ala Allah. Il fait l'essentiel, il craint Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette chose. ثم قال رحمه الله la page suivante قال أبو حاتم رحمه الله لا حظ في الراحة لمن أطاع الحرص إذ الحرص السائق البلايا. Celui qui ne s'écarte pas de هذا الحرص أي penser qu'à dunya, faire des efforts que pour dunya, دائما les projets, il ne se reposera jamais. لا حظ في الراحة, il ne goûtera pas au repos. إذ الحرص السائق البلايا, لأن cet amour de dunya, cette motivation, ça va le pousser à beaucoup de mauvaises choses. قال فالواجب على العاقل, c'est une obligation pour العقلاء, أن لا يكون بالمفرط في الحرص في الدنيا فيكون مذموما في الدارين بل يكون قصده لإقامة فرائض الله. نصيحة جميلة. Ne pense pas que dunya. Pourquoi? Parce que tu seras perdant dans cette dunya, dans ce bas monde et dans l'au-delà. ثم قال فيكون مذموما في دارين بل يكون قصده لإقامة فرائض الله. Sans négliger ce bas monde. Sans négliger. Tu dois prendre du bon temps. Prends-le fil halal. Tu dois, t'as besoin d'un certain confort. Prends-le. T'as les moyens. Alhamdulillah. Lakin, fais attention à l'excès. Fais attention à ne pas oublier les obligations. قال رحمه الله ويكون لبغيته نهاية يرجع إليها لأن من لم يكن لقصده نهاية أذى نفسه وأتعب بدنه فمن كان بهذا النعت فهو من الحرص الذي لا يحمد. كذلك avoir des limites, se limiter dans certaines choses, se limiter dans la consommation, se limiter dans les déplacements, surtout celui qui veut avancer fil ilm. Talabul ilm, ya ikhwan, ça demande beaucoup de sacrifices. Celui qui fréquente beaucoup les autres, il veut voyager beaucoup, il veut sortir, manger beaucoup, il veut s'amuser beaucoup, il n'arrivera pas dans l'ilm. Abadan. Abadan. Celui qui est shtahid, il fait des sacrifices du matin au soir. Asa. Idha waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est sincère, il arrivera à acquérir une partie de ce ilm. Combien Allahu a'lam, Allah donne à qui il veut. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Donc on doit faire des choix. On doit faire des choix. Et on est tous d'accord, wallahi alhamd, en tant que musulman, en tant que ahl sunnah, anna anfa' ma yakun pour le mar fi dunya wal akhirah, c'est l'ilm. Et la mise en application, bien sûr. Et ad-da'wa. C'est le travail le plus bénéfique. Al-ulama warathatu al-anbiya. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage des prophètes, alayhim as-salatu wassalam. Al-ilm wal-amal et ad-da'wa. Lakin, pour hada, il faut travailler. Il faut travailler dur. Certains, pour ad-dunya, ils travaillent très très dur. Pour ad-dunya, ils travaillent très très dur. On ne parle pas des choses que tout le monde a besoin, le minimum. Ça, on doit tous le faire. Travailler pour avoir un logement, comme à taqaddam. Là, ils travaillent très très dur dans le plus, le surplus. Très très dur. Ils ont de quoi leur suffire largement. Lakin, ils font des efforts encore plus. Les madal, ils veulent toujours plus. Alors nous, on est haq, bihad al-hirs, fi ma yamfa. On doit encore faire plus d'efforts dans les choses profitables, al-ilm. Se fatiguer pour hadha al-ilm. Comme on se fatigue pour le travail. On rentre à la maison, on est fatigué à cause de cette dunya. Des projets, des déplacements. On doit ressentir cette fatigue, fil ilm. Si on veut goûter à, si on veut goûter à hadhihi al-ladha, vous verrez que ça a un goût que, comme qala ba'd as-salaf, لو الأمراء لو les dirigeants ils seraient la ni'ma dans laquelle طلبت العلم والعلماء ils sont لجالدوهم عليها بالسيوف. Ils auraient essayé de leur retirer ce confort, ce repos qu'ils ont de force. Ça montre أن من أنفع ما يكون c'est العلم. ثم il a cité pour conclure des derniers vers de poésie قال وأنشدني أيضا الكوريزي قال أنشدني شعيب ابن أحمد لأبي العتاهية الشاعر المشهور المعروف قال: قد شاب رأسي ورأس الحرص لم يشب، إن الحرص على الدنيا لفي تعب. كم سيستين الحديث؟ قد شاب رأسي، أي ما تت سو ما تت جدي شوفو بلون، ورأس الحرص لم يشب، لكن رأس الحرص، لكن ست موتيفاسيون ست أمور دو الدنيا أنا با بخي أون غيد با أن شوفو بلون كما جاء في الحديث. قال: إن الحريص على الدنيا لفي تعب. Celui qui pense que dunya il est fatigué, il se fatigue. Ne croyez pas que ceux qui ont tant de voitures, tant de maisons, des sociétés, de l'argent, Allah, ne pensez pas qu'ils sont firaha, ils sont fatigués chédid. Sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a waffaq, ils ont acquéri ses biens fil halal, ils les dépensent fil halal, ils sont dans une ni'ma immense. Lakin ceux qui ont oublié leur dîn, négligé leur dîn, même s'ils ont des millions, ils sont fatigués chédid. Ils ne dorment pas tranquille, encore plus si c'est dans le haram. قال: ما لي أراني إذا حاولت منزلة فنلتها طمحت نفسي إلى رتبي. سيسا الضرر، سيسا الدنجي، سيسا الفتنة. الشاعر قال: ما لي، أي كيسكي ماغيب كون جيسي دافور اون شوز داكير اون شوز ثم جيسي شوز دائما مون نفس مون عام المابيل افور اوتر شوز. سيسا الفتنة دو الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل سو حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. سيت فتنة كن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكري. لو كان لابن آدم سي لترما إلى واديان سي لا دواليتي دو واد. الواد سي اون فالي، une vallée entre deux montagnes. Quand il pleut, elle se remplit d'eau. Wadnes, ils appellent le wad ce courant d'eau. Quand c'est sec, c'est une vallée. Cette vallée entre deux montagnes, c'est une superficie énorme. Fallait où l'être humain, il en aurait deux. Min dhahab, min mal, d'argent, d'or. L'abtara wadiyan thalithan. Au lieu de se contenter de ces deux vallées, ça pourrait le subvenir à ses besoins, à lui, à sa famille, à sa descendance. Il a un yasha'Allah. Il voudra forcément une troisième vallée. قال ولا يملا جوف ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال. On lit l'explication de النووي رحمه الله pour mieux comprendre. قال فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة. Ce hadith, c'est une mise en garde contre les tentations de ce bas monde et ne pas vouloir toujours plus. قال ومعنى لا يملا جوف لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلي جوفه من تراب قبره. النبي صلى الله عليه وسلم après avoir montré cette fitna de ce bas monde ثم قال ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. لماذا؟ لأن l'être humain لا يشبع. En général, c'est comme ça. L'être humain, il n'est jamais rassasié. قال النبي صلى الله عليه وسلم: l'être humain, son ventre, il ne sera pas rempli que lorsqu'il sera dans sa tombe. Il sera rempli بماذا بالتراب. Dans ce cas-là, خلاص, quand il sera dans sa tombe, il n'aura plus le choix. Il ne pensera même plus à toutes ces choses. لماذا؟ لأن dans sa tombe, il verra certaines choses, il verra le haq. Il n'aura plus aucun doute. Il n'aura plus aucun doute. ففي هذا الحال, il se calmera. فلهذا المؤمن يجب أن يفعل attention avant cette مرحلة mettre des limites. الحديث il est في on a dit il est في صحيح مسلم et le كلام de l'imam نووي il est dans شرح صحيح مسلم. نكمل avec un dernier حديث في هذا الباب. حديث كعب بن مالك الأنصاري رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المر نعم من حرص المر والشرف لدينه. ونغيبت ما ذئبا جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المر والشرف لدينه. الحديث الإمام الترمذي إلا رابورتي دون السنن، الشيخ الألباني إلا صحح، وهكذا الشيخ مقبل إلا صحح دون الجامع الصحيح. ابن رجب رحمه الله تعالى قال وهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cet exemple. C'est quoi cet exemple? Pour montrer أن الحرص الدنيا, les tentations de ce bas monde, les dégâts que ça peut faire dans ton din, dans notre din, أخي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cette image. ما ذئبان جائعان, deux loups affamés. Ces deux loups affamés sont lâchés dans un troupeau. Dans un troupeau de bêtes, de brebis, مثلا. Qu'est-ce qui va se passer? قال ابن رجب رحمه الله وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين ذات في الغنم وقد غاب عنهما رعاؤها ليلا. Ce troupeau, plus personne ne le surveille. C'est en pleine nuit. On peut قدر مثلا, ils sont dans un endroit clos, dans un hangar, dans une ferme. Ils ne peuvent pas se sauver. Deux loups, ils arrivent à pénétrer. Et ils sont au milieu de ce troupeau. Qu'est-ce qui va se passer? Les dégâts que ces loups ils vont faire à ce troupeau, c'est exactement les dégâts que ce bas-monde, s'il n'y a plus de limite, les dégâts qui seront faits dans la religion de Al-Insan. قال رحمه الله فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. On قدر الآن ces deux loups, toute cette nuit, ils vont être lâchés au milieu de ce troupeau. Combien de bêtes elles vont réussir à combien de bêtes elles vont être épargnées? Comme Khalil. Certaines bêtes, elles vont être tuées, certaines blessées. Ce loup, il va tuer au départ pour manger. Thumma, il va tuer un cadavre. Il va laisser que des cadavres. Il a Khalil. Certaines qui seront encore peut-être vivants ou blessées. Hakada al-insan pour son din. Qala يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cet exemple pour montrer que celui qui rentre à fond dans le dunya, son objectif c'est que le dunya, il pense qu'au projet, il oublie son din, il oublie l'ilm, il oublie as-sunna, par rapport à ses efforts dans cette dunya et cette tentation qui a pénétré son cœur, il y aura des dégâts sur son din. Certains beaucoup, certains encore plus, certains un peu moins, وهكذا. قال فهذا المثل العظيم تضمن غاية التحذير من الحرص على المال والشرف في الدنيا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله dans مجموع الرسائل, أي la compilation de plusieurs رسائل de cet imam. تأمل كذلك قوله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تحذير من الله عز وجل. Cette sourate, la plupart de nous, ils la connaissent. Sourate al-takathur. Al-hakum al-takathur. Probablement, on la récite souvent. Lakin man ta'ammalaha, c'est un ilaj tayyib, c'est un remède tayyib pour nous calmer, pour nous fixer des limites, pour se rappeler notre objectif. Qala al-imam al-kathir, rahimahullah, dans son tafsir, yaqulu ta'ala, al-hakum al-takathur, أي قال شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة. ألهاكم, ça veut dire vous êtes distrait par الدنيا. Pourquoi vous êtes distrait? كما قال الحافظ ابن كثير نعيمها وحب الدنيا و l'argent و le confort, les maisons, etc. حتى on oublie quelque chose d'encore plus important. Ben, on oublie le plus important. قَالَ وَزَهْرَتُوَ عَنْ طَلَبَ الْآخِرَ. Tu as deux choses. Tu as cette dunya, tu as l'akhira. Celui qui pense qu'à cette dunya et travaille que pour cette dunya, forcément, il oubliera l'autre demeure. Celui qui se rappelle l'autre demeure, il négligera pas ni, bien sûr, l'au-delà et il négligera pas aussi dunya. Lakin, il va utiliser dunya. تَأَمَّلُوا. Il va utiliser dunya. كما تقدم من كلام ابن حبان تذكرون أنه il sera pas esclave, prisonnier de cette dunya. Là, c'est lui qui va utiliser cette dunya. Il va prendre ce qu'il a besoin, il va repousser le reste. Et كما جاء في الحديث, celui qui fait cela, الدنيا تأتيه وهي راغمة. الدنيا va venir à ses pieds. C'est lui qui va prendre ce qu'il veut, il va rejeter ce qu'il veut. Et s'il est prouvé par la pauvreté ou autre, il patiente. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé d'un énorme mal. Hein, quand on doit fonctionner, cette dunya, c'est du shor, c'est une fitna. فلهذا جاء في الحديث أن سهاد الدنيا alors une منزلة عند الله سبحانه وتعالى ما سقى منها كافر شربة ماء. Si cette dunya a une valeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas donné à un kafir une gorgée d'eau. On ne doit pas perdre notre temps, mettre toutes nos forces dans une chose qu'Allah il a maudit. Dans une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas. Cette dunya, c'est une fitna, Allah il l'a créée, c'est une épreuve. فقط حتى يتميز الخبيث من الطيب المؤمن من الكافر. قال رحمه الله قال عن طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. المشكلة c'est quoi? On répète le verset ou les versets. Le premier, ألهاكم التكاثر. Ça c'est la situation de beaucoup. Et vous êtes distrait par takathur. Takathur, ça vient du mot katra. Et vous voulez toujours plus, vous êtes distrait. La course aux richesses. Hada, il veut une voiture. Hada, il veut une deuxième voiture. Hada, il a vu une maison. Son voisin, il veut une autre maison. Hada. Le mushkila, c'est quoi? Qawlu azza wa jal qala, hatta zurtumu al-maqabir. Le mushkila, c'est que wa'aduhum, ils sont distraits jusqu'à ce que la mort, elle vienne. Celui qui meurt, il n'a pas adoré Allah azza wa jal. Il n'a pas fait de salat. Et il a eu beaucoup de manquements envers les autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Ta'lamoun, qu'est-ce qu'il va faire? Comme on a cité dans les étapes de l'au-delà, annahum, ils voudront revenir. Qala rabbi rji'oun. Ils voudront revenir. Pourquoi? Pour rattraper tous les manquements qu'ils ont eus. Nous, on est encore vivants, c'est un dars azim, c'est une mou'idha baligha min rabbina azza wa jal. On est encore vivants, walillahi alhamd. C'est pas trop tard. Les portes du repentir, elles sont toujours ouvertes. Walillahi alhamd, on a encore du temps, enfin, on se corrige. Beaucoup de gens, ils espéraient être à notre place, ya ikhwan. Min ahli al-qubur, parmi les morts. Ils aimeraient être à notre place, écouter ce dars, ou un dars, thumma faire as-salat, que, inshallah, on va tous faire ba'd, thumma de faire et de faire. Fahada, wa fi sahih muslim, min hadith Abdullah ibn al-Shakhir, رضي الله عنه انه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاثر. عبد الله بن الشخير الصحابي الجليل رضي الله عنه مره il est passé vers le prophète صلى الله عليه وسلم et il récitait cette sourate الهاكم التكاثر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a récité ces versets, ثم il a dit l'être humain, il dit beaucoup مالي اي mon argent, mes biens. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مال إلا ما تصدقت فأمضيت. النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit ton argent, tu auras de ton argent que ce que tu as donné. من صدقة لله عز وجل, tu le trouveras يوم القيامة. قال أو أكلت فأفنيت, ou ce que tu as mangé et أفنيت, خلاص c'est parti. قال أو لبست فأبليت, ou ces vêtements que tu achètes et ces vêtements ils vont s'user. C'est ça l'argent, يا إخوان, لا تغتروا. Cet argent, imma tu fais du khayr avec, tu le trouveras yawm al-qiyama, imma tu peux gagner les sommes que tu veux, tu peux faire les projets que tu veux. Ça sera de l'argent que tu mangeras, ou des autres mangeront à ta place, ou des vêtements que tu achèteras, et ça partira. Et le khayr il restera. Fanastafid min hadha, on néglige pas cette dunya comme ils font ahl al-tasawwuf wa al-dalal. La, bal, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni'mal mal. الصالح للرجل الصالح c'est une ni'ma, celui qui a de l'argent, l'homme pieux qui utilise cet argent fil khayr. Et كذلك استفدنا ان cette dunya c'est qu'une étape, c'est pas, ça doit pas être une fin en soi pour nous, c'est une étape qu'on fait dunya que annak gharib, et on essaye de préparer l'au-delà. Et tout ça c'est bitawfiqillah, tout ça c'est bitawfiqillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. فلهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أو كما قال نعم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. تأمل في حديث لا تجعل الدنيا أكبر همنا. في حديث أولا تستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا pas demandé à Allah سبحانه وتعالى que on donne aucune importance à الدنيا. لا قال أكبر أي الله ne fait pas que ce bas monde ça devient notre plus grande préoccupation. Là je sais qu'il y en a dans certaines choses tu dois être préoccupé. Tu dois travailler, tu dois te soigner, tu dois t'habiller, tu dois sortir. Ah, c'est normal. Lakin, demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça ne devienne pas ton plus grand hum, ta plus grande préoccupation. Ben, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qalban khashi'an. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne un cœur éveillé, vivant, bidhikr, ou le Coran, ou alhamdulillahi rabbil alamin. هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم لو 21 ذكر الحث على مجانبة الحرص للعاقل. On avait traité ce sujet et les tentations de ce bas monde dans le premier cours sur la série les étapes de l'au-delà. Et les ulama ils ont traité ce sujet كثيرا et من اقرب المصادر parmi les références les plus simples les plus accessibles رياض الصالحين de l'imam al-Nawawi, il a cité un verbe tayyib sur exactement sur ça, sur le hirs, sur les tentations de ce bas monde, etc. Inch'Allah, dans notre étude de Riyad Salihin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite pour pouvoir étudier ce chapitre et tout le livre. Et on passe au deuxième dars, Inch'Allah ta'ala, walhamdulillah.